Je vivrai pas longtemps, même si je pense qu'il y aura ma récompense. Ou je vivrai longtemps, même si je pense que sur la ville, je tiendrai la distance. Départ du couplet, je ferai pas de démarrage en trompe. Non, mais bon, ça sera corcrate comme ton corps dans ta future tombe. J'assure les connards, personne peut racheter mon courtage. J'engrosse les grosses IVG, surprise et curtage. Si tu demandes où est ta femme, je l'écartèle. Si t'as besoin d'aide, puis tu passeras bien le bonjour à Saddam quand tu seras dead. Attends que je pilote un peu trop vite dans les virages en ville. Le temps que je fauche un de tes potes et que je reste toujours en vie. Je dévie souvent de ma trajectoire d'un degré ou deux. Et puis j'ai toujours eu ce que je voulais, force, degré ou deux. Je fais que déraper sur les routes de merde dans le RAP. J'ai raté mon entrée, je fais partie des rescapés. Et dire que tu penses qu'à te serrer des go pour faire couler ta sauce. Et dire que j'ai l'impression de taffer pour nourrir tous les cassos. Et ce monde est pourri, oui je souris quand c'est cruel. Et je sais que t'aimes saper dès quand j'ai le stylo qui dépuçait la sec. Au cas où t'en douterais encore, j'en ai plus rien à foutre. Je sers à rien et je partirai toujours en couille, même si ça me coûte cher. Post-apocalyptique dans l'hémisphère, gauche à droite, c'est grillé depuis longtemps. Y'a pas de mystère, écoute, je sais pas si je dois te faire un dé. Ça médite toi, j'ai de mauvaises idées quand je pense à me servir de mes 10 doigts. Ok, j'ai de l'avance, je suis dans les temps, en permanence, je kick frappe dans les dents. C'est toujours violent, c'est juste des paroles. Je continuerai, je me marre et tout ce qui n'est pas drôle. Alors deuxième couplet prévisible et merdique. Je l'avais perdu mais j'ai retrouvé mon accent nordique. Où les arcs semblent à des O, les R à des R. Pire, ici les filles enchaînent plus que moi des bières. C'est très speed, sur ta face tu te laisses pisse. Et les gosses sont précoces, du coup les meufs paraissent putain 13 piges. Je viens d'ailleurs, foutre le fire, flow mitrailleur, tailleur de rime et drapeur. Oui, n'aie pas peur, je suis là pour te rendre le sourire si t'es dépressif. Et là pour donner le mal de vivre si t'es trop positif. Impossible de reculer, la gravité m'attire. J'ai mon blaster, je dis haut les mains sur un ton grave et tes mains je tire. Ouais, j'ai un style bizarre, ouais je suis un bâtard. Mais je me lève tôt pour que ceux qui profitent de la France se couchent tard. Eh, hey, tu veux du bon son, tu veux passer à autre chose. Écoute ça, puis arrête la branlette et passe au blout job. Ok, j'ai de l'avance, je suis dans les temps. En permanence, je kick frappe dans les dents. C'est toujours violent, c'est juste des paroles. Je continuerai, je me marre et tout ce qui n'est pas drôle. Alors you très longtemps. Même si je danse sur un fil, je tiendrai la distance. J'ai...